Chapitre 18e. Tout était prêt. Les paillasses étaient fabriquées. Pinot avait terminé les chalis. Il fallait maintenant équiper la cage du wagon gardée dans un hangar où le travail allait pouvoir s'effectuer à l'abri des curieux. Léo fournit à Pinot un laissez-passer et une carte de travail en bonne et due forme, lui permettant, habillé en cheminot, de pouvoir circuler librement dans l'enceinte des ateliers de chemin de fer. Léo exigea toutes les garanties possibles sur les cheminots qui allaient travailler avec Pinot et lui demanda de ne jamais citer son nom. Il n'avait qu'à raconter qu'il avait eu ses autorisations par le canal de la Résistance. Les ouvriers commencèrent par réaliser une isolation de la cache à l'aide de cartons et de vieilles couvertures que l'on agrafa sur le bois des parois. Puis les couchettes furent placées, tenues par deux échelles qui permettaient aussi de grimper sur les paillasses. Pour éviter que les passagers ne fussent obligés de profiter des arrêts pour faire leurs besoins, ils fabriquèrent une planche percée amovible qui se plaçait sur la trappe ouverte, à n'utiliser que lorsque le train roulait. Comble du raffinement, on installa un petit poêle à charbon qui ne devrait être allumé qu'en cas d'extrême nécessité, attendu qu'une fumée pouvait révéler la cachette. Ils complétèrent l'installation par une fente de chaque côté du wagon, fente qui permettait de scruter l'extérieur et pouvait s'occulter. Pour l'instant, les trois conspirateurs avaient décidé de faire voyager l'Anglais, le couple Beauchamp et peut-être le fiancé juif de la jeune fille qui était venue trouver Louis. Mais leur choix n'était pas définitivement arrêté. Le problème résidait surtout dans le lieu exact où devaient descendre les passagers. La méconnaissance de la région de destination les empêchait de le déterminer avec précision. Grâce à la récente union des réseaux de résistance dus entre autres à Jean Moulin, ils purent entrer en contact avec un réseau des chemins de fer du sud-ouest. Ceux-ci organisèrent la prise en charge des fuyards. Le train serait arrêté entre Bayonne et Biarritz par un grand troupeau de moutons sur les voies. Profitant de ce que les soldats seraient occupés à chasser les bêtes, les occupants de la cache devraient descendre pendant l'arrêt et seraient pris en charge par un groupe local. Pour la suite, Louis, Léo et Pinot n'étaient plus concernés. Si le processus fonctionnait bien, on pourrait le réitérer en cas de besoin. L'hiver 42-43 continuait à être très doux, et c'était une chance car l'hiver précédent, très froid, avait sérieusement entamé les réserves de bois et de charbon de la population parisienne. Certains avaient calculé qu'il coûtait moins cher de brûler ces vieux meubles que de s'approvisionner au prix du marché noir. Pourtant, la clémence du climat de cette année ne rendait pas les Parisiens et d'une façon générale les Français plus aimables. Depuis le revers essuyé par les forces de l'Axe, les tensions augmentaient entre les deux camps. D'un côté, l'occupant avec ses collaborateurs, légion des volontaires, milices, une fraction de la police et de la gendarmerie. De l'autre, les résistants et les attentistes qui étaient de plus en plus nombreux à passer à l'action. Les sabotages et les assassinats se multipliaient. Les retournements de veste étaient quotidiens et en somme, Louis et Léo n'avaient fait que suivre, sans le savoir, la mouvance générale. Depuis la défaite de Russie et les revers en Méditerranée, les Allemands comprenaient que le bateau prenait l'eau. D'ailleurs, Franco avait lui aussi senti le vent et s'était réfugié dans une prudente neutralité au milieu du coup de main non négligeable des Allemands à Guernica. De part et d'autre, la hâte d'en finir s'exacerbait. Les cadences de trains d'extermination s'accéléraient, Himmler désirant à tout prix terminer le boulot avant un probable cataclysme final. Joseph Darnan, secrétaire général de la milice, ne décolorait pas. Comment deux miliciens pouvaient-ils disparaître en plein Paris? C'étaient de jeunes recrues, certes, mais tout de même. Certains avançaient l'hypothèse que les deux hommes avaient trouvé un gros magot lors de leur mise à sac et s'étaient carapatés avec. Leur dernière mission connue, de leur propre initiative, était une visite à un immeuble de la rue Tournefort dans le 5e. La milice, n'ayant pas vraiment l'habitude de mener des investigations, préférant le bâton aux neurones, c'est la police et la Gestapo qui prirent le relais. Le Obersturmführer Schöller déclara que les deux miliciens étaient venus lui rendre compte de leur mission. Sur sa demande, on devait l'informer de tout ce qui touchait à la rue Tournefort. Bizarrement, il devenait un témoin à décharge. L'enquêteur qui accompagnait les deux miliciens et le commandant de la Wehrmacht habitant l'immeuble signalèrent que les deux hommes étaient repartis de chez le docteur Vogel. Donc, à partir de Schuller, on perdait la trace des deux hommes. Personne ne témoigna les avoir vus, hormis une Madame Kubler, d'origine allemande, qui avait aperçu une traction occupée par deux miliciens se garer non loin de chez elle de bonne heure le lendemain matin. Était-ce les hommes en question? Elle n'en savait rien. On en resta donc à l'hypothèse d'une fuite avec pactole à la clé, et l'affaire fut classée. Chacun savait que l'autre mentait, et qu'il faudrait bien régler les comptes à un moment donné. Les motivations, que le lecteur aura devinées, n'étaient pas bien difficiles à comprendre, et le jeu n'était qu'un mauvais poker menteur. Évidemment, Schuller avait manœuvré pour que l'affaire restât entre ses mains, et les autres témoins tentaient de couvrir le docteur Fogel. Louis sentait intuitivement que le danger rôdait. Aussi, quand un soir de la semaine suivante, Dieter Schuller frappa à sa porte, il sut qu'il allait vivre un moment important de sa vie, peut-être même en entrevoir la fin. « Herr Docteur, je voudrais vous poser quelques questions, mais si c'est possible, j'aimerais le faire en présence du major Müller. » Schuller n'était accompagné que d'un sous-officier svelte d'une grande prestance, certainement au goût du lieutenant. Ce dernier lui demanda de rester auprès de Louis, pendant que le lieutenant allait lui-même chercher le major selon les formes appropriées. Léo accéda volontiers à la demande de Schuller faite avec de grands sourires. « Je peux vous recevoir ici, si vous le désirez. Nous serons peut-être plus tranquilles pour parler, et puis moi j'ai de quoi boire. » dit Léo avec un petit rire. « Ce sera votre convenance, major. » Hans alla donc chercher Louis et le sous-officier. Les cinq hommes s'installèrent confortablement dans les fauteuils cossus du salon. Avant que l'entretien ne commençât, Hans servit du pastis dont les Allemands raffolaient. Louis ne goûtait guère l'ironique et macabre mise en scène de ce qu'allait être en fait un passage sur le grill pour lui comme pour Léo. « Messieurs, » commença Schuller en allemand, « entre militaires et scientifiques, je n'ai pas besoin de faire d'entrée en matière. » Le 12 février, c'était un vendredi, vers 11 h, vous êtes sortis, vous, major, avec votre voiture conduite par votre ordonnance, et une traction garée dans la cour vous a suivi. Un peu plus d'une heure plus tard, vous êtes revenu ici, mais la traction ne vous suivait plus. Si c'était la voiture du docteur qui avait été utilisée, il aurait fallu qu'elle reprenne sa place dans la cour puisqu'elle y est toujours garée. Or, aucune voiture, à part celle du major, n'est entrée dans la cour. C'était donc une autre traction avant qui est sortie, et tout me porte à croire que c'était celle des deux miliciens. « C'est exact, » dit Léo sans se troubler. « Ils nous ont suivis, profitant de l'ouverture des portes. J'avais dû sortir en raison d'un rendez-vous. Je suis revenu quelque temps plus tard, quand aux deux hommes, nos chemins s'étaient séparés et je ne sais où ils sont allés. « Pourtant, » repartit calmement Schuller, « lorsque vous êtes revenu, vous étiez quatre dans la voiture, ou peut-être cinq. En tout cas, il y avait des passagers à l'arrière. Ces passagers étaient-ils les deux miliciens, Herr Major ?» Le cerveau de Louis et celui de Léo fonctionnaient à plein régime. Il était évident que Schuller ou un espion avait réellement vu la scène sans en reconnaître les acteurs. Par ailleurs, la planque, car il s'agissait bien de cela, avait dû commencer après que Louis avait rentré l'attraction dans la cour. Il fallait tenter un gros coup de bluff pour se sortir de l'impasse, risquer le tout pour le tout. « J'étais sorti avec mon épouse et nous avions demandé au major de venir nous chercher. »« Où étiez-vous, Herr Docteur ?»« Au cinéma. » « Le film ?»« Le colonel Chabert, avec Rému. »« Racontez-moi le film, docteur. » Heureusement que Louis avait lu le livre de Balzac, sinon ça aurait été bien difficile. Odette et lui en avaient parlé ce jour-là à midi, en se demandant si le film suivait fidèlement le roman. David leur ayant annoncé qu'il était premier en rédaction, ils avaient continué à parler des écrivains, de Balzac, et avaient plaisanté David sur sa future carrière d'écrivain. Il fit donc un bref résumé de l'histoire dont il se souvenait et broda sur les qualités habituelles de Rému pour donner le change. « Votre femme porte des pantalons, docteur ?» Comprenant la raison de cette question, Louis répondit « Oui, et elle se coiffe d'un béret. » C'était vrai, bien que le pantalon ne fût pas encore à la mode en ville, mais c'était pratique à vélo. Schuller perdait un peu de terrain, même s'il était persuadé qu'on lui mentait effrontément. « Qu'avez-vous fait après le cinéma ?» Il faisait doux, et nous avons flâné le long des quais pour nous aérer. Nous avions eu chaud au cinéma, et nous supportons mal la fumée de cigarette. Là encore, Louis le voyait autour de faits plausibles. Prendre le frais sur les quais était presque toujours ce que le couple faisait en sortant du ciné. Il savait qu'Odette avait également lu le colonel Chabert. Une chance que ce film fût sorti à ce moment-là. Pourvu qu'elle y pense, car sans aucun doute, je leur allais la passer sur le grill. Donc vous avez marché. « Oui, comme nous avions peur de rater le dernier métro, nous avions demandé à Léo, enfin le major, de venir nous chercher vers 11 heures, juste avant le couvre-feu. Votre fils adoptif est resté seul? Oui, il en a l'habitude, et puis il y a du monde dans la maison. La question logique est attendue arriva. Vous voulez bien que nous demandions à votre épouse de confirmer? Bien sûr, Herr Obersturm fera. Schuller demanda au sous-officier d'aller chercher Madame Vogel. L'homme fut tout content de satisfaire sa curiosité à propos de l'épouse du docteur. Comment faire comprendre à Odette l'emploi du temps fictif de la soirée? Le cinéma, le colonel Chabert et les quais de la Seine, l'heure du couvre-feu. Louis sentit qu'il était arrivé au bout du tunnel et que le boyau se rétrécissait dangereusement. Il lança un regard angoissé à Léo. Celui-ci comprit qu'il fallait à tout prix déconcentrer Schuller en l'empêchant d'établir des connexions entre les faits et les dires. « Herr Obersturmführer, je n'ai rien dit jusqu'ici, mais je trouve véritablement que vous menez votre affaire de main de maître. Comme quoi la volonté et l'intelligence peuvent obtenir des résultats auxquels aucune école de guerre ne peut parvenir. Je ne vous cacherai pas que j'avais bêtement des a priori à votre sujet, suite à notre première rencontre dans des circonstances difficiles. Nos uniformes n'ont pas la même couleur, mais sachez que je vous reconnais sans réserve comme l'un des nôtres. » Schuller se garda de répondre, car la réciproque n'était pas vraie. Jusque dans la tombe, il considérait que ces officiers de la Wehrmacht n'étaient que des militaires d'opérette et que les SS, en raison de la foi qui les animait, étaient les véritables héritiers des chevaliers teutoniques. Quoi qu'il en soit, Léo avait réussi à déstabiliser Schuller. Odette, faisant son entrée, allait sans le savoir, continuer à perturber le lieutenant. En effet, comme elle allait prendre son bain, elle avait enfilé à la hâte sa robe de chambre sur ses dessous. Elle s'assit en face des deux Allemands et croisa ses jambes, découvrant ainsi ses beaux genoux et ses mollets splendidement galbés par la marche et le vélo. Elle s'était fait un chignon, d'où s'échappaient de blondes mèches folles. Ainsi, pensèrent les deux SS, elle était réellement adorable. Léo se leva sous le prétexte d'aller chercher de l'eau fraîche pour boire la Reims. La porte du vestibule était juste en face d'Odette et dans le dos des deux SS. Avant de partir en cuisine, Léo capta le regard d'Odette. Il mit le poing gauche devant son œil et de sa main droite fit le geste d'actionner une manivelle comme pour une prise de vue. Puis il mima un salut militaire à la française. Cela avait pris 2 secondes, mais Odette avait capté le message et comprenait bien qu'il y avait un rapport avec son prochain interrogatoire. Restait maintenant à décoder ce message. « Madame Vogel, vous souvenez-vous de la soirée du vendredi 12 février ?» Odette avança les lèvres en signe de doute. « Le 12 février, c'est loin. »« Souviens-toi !» intervint brutalement Louis. « C'est le jour où Denis nous a annoncé qu'il était premier en rédaction. Nous avons parlé littérature. » Schuller jeta à Louis un œil noir. « Attention » prévint-il. Heureusement qu'il ne connaissait pas Balzac, sinon il aurait fait le lien entre le vocable littérature et le film de Rému. « Ah oui !» fit Odette. « Ça y est, je m'en souviens. Le soir, il y a eu un bombardement. Qu'avez-vous fait dans la soirée ?» Odette venait heureusement de faire la relation avec les mimiques de Léo. Littérature, Balzac. La moulinette de Léo, c'était le film duquel ils avaient parlé, le colonel Chabert. « Nous sommes allés au cinéma voir le colonel Chabert, » dit-elle avec aplomb. « Il parle de quoi, ce film ?» Question dont Schuller aurait pu s'abstenir. Odette lui répondit succinctement. Léo revenait de la cuisine avec sa bouteille d'eau fraîche. Odette, sous prétexte de se concentrer ou par pudeur, fixait toujours la porte derrière les SS. Léo fit furtivement courir 2 doigts de sa main sur son avant-bras gauche, simulant la marche d'un petit bonhomme. Cette fois, l'allusion était plus facile à comprendre. « Qu'avez-vous fait en sortant du cinéma ?»« Nous avons marché le long des quais pour nous aérer un peu. » Léo, qui s'était rassis, tout sauta légèrement et se tapota la poitrine. Odette ne ratait aucun de ses gestes en apparence anodin. Et après ?« Nous avons vu Léo. Et voilà !» fit-elle en s'étirant et en dévoilant légèrement sa poitrine. Le sous-officier était aux anges, et Schuller prenait du retard à l'allumage. Pour Léo, il fallait verrouiller la dernière répartie d'Odette. « Eh oui, heureusement que les Allemands sont là pour aller chercher les petits Français, » dit-il avec un bon sourire. Le regard que lança Schuller prouva qu'il n'était pas dupe du tout. « Vous vous souvenez comment vous étiez habillée, Madame Vogel ?» Léo, souffleur attitré, gratta la jambe de son pantalon et passa le dos de sa main comme pour faire partir une tache. « Je crois que j'avais mis un pantalon, car au départ, nous devions y aller à vélo. » Schuller avait préjugé de ses forces et mésestimé ses adversaires. Ces damnés Fogel étaient bien plus malins qu'il ne le pensait. Au lieu de tenter de jouer la partie finement, il aurait dû la traiter à coups de baignoire, rue des Saussets. Sur Léo, il n'arrivait pas à se faire une réelle opinion. Était-ce un parfait abruti ou un type supérieurement intelligent? Mais la partie n'était peut-être pas perdue. Il restait le gamin qui avait déjà dépité Schuller et suscité chez lui une grande aversion. Votre fils adoptif devrait être en mesure de confirmer vos dires à tous deux. Je pense qu'il ne dort pas encore. Nous allons lui poser la question. Oberscharführer, allez le chercher. Je crains qu'il ne s'affole, déclare Odette avec un sourire. Je vais venir avec vous pour le rassurer, mais je n'ouvrirai pas la bouche, je vous le promets. David entra dans le salon. À la vue de Schuller, il ne put réprimer un raidissement de tout le corps, et il esquissa un demi-tour, vite contrôlé par Odette, qui le tenait par les épaules. Maintenant qu'ils étaient devant les deux SS, elle pouvait lui parler. « N'aie pas peur, Denis. On veut juste te poser des questions. Tu n'as rien à craindre. » « Je me demande pourquoi cet enfant a si peur des uniformes, » dit Schuller, d'un ton dubitatif. « Ce n'est pas des uniformes qu'il a peur, » répondit Odette. « C'est de la guerre. Il est traumatisé. »« Ah, c'est vrai. » « Denis, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé le soir du 12 février ?»« Tu sais, c'est le soir où il y a eu un gros bombardement. » David parut réfléchir. Odette l'avait placé dans l'axe de la porte du corridor. Léo se leva, comme si l'interrogatoire ne l'intéressait pas, et prétexta à voix basse aller chercher des cigarettes. David secoua la tête, montrant ainsi que le souvenir de ce jour ne lui revenait pas. Il attendait un signe, un indice. « Souviens-toi, » l'encouragea Odette, « c'est le jour où tu nous annonçais que tu étais premier en rédaction et nous avons dit que tu deviendrais peut-être un grand écrivain. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Le soir, il y a eu un bombardement. Voilà, c'est bien ce que je t'ai dit. Alors, Denis, qu'ont fait tes parents ce soir-là ? » Léo, bien dans l'axe de la porte, recommença le mime de la caméra. « Ils ont été au cinéma. Sans toi ? Oui, moi j'école le samedi et je me couche toujours de bonne heure pour être en forme. Tu n'as pas peur de rester seul ? Non, je ferme la porte à clé et s'il y a un danger, j'appelle Hans. » « Mais oui, bien sûr, » marmonna Schuller, ce bon Hans. « Quel film ont vu tes parents ?» David se concentra, les yeux au loin. En réalité, il ne perdait pas Léo du regard. Il avait bien une idée qui lui paraissait logique. Était-ce la bonne ? « Je crois qu'ils ont vu le colonel Chabert, avec Rému. Chabert, tu es sûr ? Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle ?» « Le colonel Chabert, c'est ce que j'avais compris. Excusez-moi, monsieur l'officier. »« Et ils t'ont raconté le film ?» La passe était franchie. « Non, » répondit David de façon catégorique. « Je crois que ce n'est pas un film pour les enfants. »« Tu sais ce qu'ils ont fait après le film ?»« Non, je dormais quand ils sont rentrés. » La présence d'esprit de David avait bouclé la série de questions. Léo vint se rasseoir et fit passer un paquet de cigarettes à la ronde. La partie était gagnée. Jusqu'à quand ? Mais décidément, Schuller était opiniâtre, d'autant qu'il était persuadé d'avoir été enfumé depuis le début de la soirée. Il attaqua sous un autre angle, cherchant la faille. « Denis, tu sais ce qu'est un juif ?»« C'est quelqu'un qui n'est ni de ma race, ni de ma religion, » répondit David, de but en blanc. « Dans ma classe, il n'y en a pas. »« Comment peux-tu en être sûr ? Ce n'est pas écrit sur leur figure. »« Non, mais la récré, on... » David s'arrêta net comme s'il en avait trop dit. « En quoi ? Continue. »« Eh bien, à la récré, dans les cabinets, on se la montre, » dit-il en rougissant. « Et il n'y a pas de juifs dans la classe. Voilà. » Tout le monde éclata de rire, sauf Schuller qui se contenta de sourire pour être au diapason. « Et tu sais ce qu'on leur fait aux juifs ? Oui, on les tue. Et ça ne te fait rien, tant que ce n'est pas moi qu'on tue. » Louis et Odette réalisèrent que l'école et les petits camarades s'étaient chargés d'informer David sur l'idéologie raciste, le familiarisant avec les thèses en vigueur et l'attitude des Français en général concernant les Juifs. Mais il savait que David ne partageait pas ses opinions et qu'il donnait le change, tout simplement. Les choses changeaient peu à peu dans l'esprit des Français, mais le germe était profondément enraciné. Schuller décida de lever le camp. Il avait perdu cette partie, mais n'avait pas perdu la guerre. Il gardait encore une cartouche dans le canon, mais se réservait de la tirer plus tard quand le gibier se serait assoupi. Vers 3 heures du matin, il se réveilla sans raison. Il revint alors qu'à chaque interrogatoire, mis à part celui de Fogel, Müller s'est élevé pour chercher quelque chose. Une montée d'adrénaline lui serra la gorge. Il s'était fait avoir comme un bleu. Quel abruti il avait été ! Oh, mais il aurait sa revanche.